Et c'est bien fait qu'Allah a cité dans ce, que le prophète a cité dans ce hadith. لعلنا نقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم